Chapitre 11. Surprise de Thibault Le Poingre. Maintenant que nous voici rassurés sur le sort de nos trois ermites, nous pouvons jeter un coup d'œil sur la situation de certains de nos personnages, et notamment sur celle du sieur Thibault Le Poingre, que nous retrouvons en son auberge de la Truie pendue. L'enseigne brisée par Gringoneur avait été réparée tant bien que mal et remise en place de sorte qu'on eût pu se douter de la bataille qui avait eu lieu chez Thibault. Vermeil et Rieur, l'hôte de la Truie pendue, continuait à exercer avec sa malice et sa bonne humeur ordinaire les charges de sa profession. Nous reprenons contact avec ce célèbre hôtelier le lendemain matin du jour où le chevalier de Passavant avait échappé au labyrinthe et par conséquent, la veille du jour où nous avons revu Bruscaille et compagnie. Ce matin-là, samedi, maître Thibault Le Poingre s'activait comme d'habitude à la bonne tenue de son auberge, gourmandait joyeusement Lubin et Périnet, Épervenche et la Boule Greuse, buvait un coup de vin par-ci, jetait par-là un regard aux cuisines. Maître, fit un valet en s'approchant, voici un seigneur qui met pied à terre devant l'auberge. J'y vais. Il se précipita vers la porte et se trouva nez à nez avec un grand gaillard à forte moustache noire qui jurait comme un païen. Thibault, criait-il, Thibault du diable, faudra-t-il que mon cheval attende ton bon plaisir avant d'être conduit au râtelier? Sache maintenant que cette noble bête vient de faire ses 10 lieues d'une traite. Du diable si je ne meurs d'envie de te couper les oreilles. Le fait est que ce pourfendeur avait une physionomie des moins rassurantes. Thibault s'empressa de donner satisfaction à ce peu endurant seigneur qui, voyant son cheval aux mains du garçon d'écurie, entra en disant « À manger, mordieu, à boire, mordiable. Oh la drôle, que l'on quitte tout ouvrage pour venir me servir. Et vous, maître Thibault, savez-vous qui je suis ?»« Sans doute, fit tranquillement Thibault. Qui ne vous connaît ?» Vous êtes le sire Taneguy du Châtel, celui-là même qui faisait partie de la maison de Bourgogne. Tais-toi, drôle, tonna le nouveau venu. Et que monseigneur Jean de Bourgogne, te tairas-tu, manant? A fait gourmer par les sires de Scas, de Courteheuse, de Quetonville et de Guine, acheva Thibault Le Poingre, dont la figure se rida d'innombrables sourires de malice. On ne sait jusqu'où se fut portée la fureur du sire du Châtel, si le même Thibault, changeant soudain d'attitude et se courbant autant que lui permettait la majesté de son ventre, n'eût murmuré « Messire, on vient de parfaire à mes cuisines un pavé d'anguilles digne de Jupiter et de Juno, comme dirait mon compère Gringoneur. Ventre joie, mon capitaine, il n'est pas pour les damnés bourguignons. » « Et pour qui, alors ? » fit Taneguy, soudain apaisé. « Pour vous, où le diable m'emporte. On eût dit que je vous sentais venir. Lubin, ai-je dit ce matin, prépare-nous un pâté d'anguilles. Tu sais, comme les aime le seigneur du Châtel qui s'y connaît. » Taneguy du Châtel était à cette époque un homme de 40 ans, rude, violent et gourmand, l'attitude d'un tranche-montagne, au demeurant un vrai brave, très mêlé aux sanglantes querelles de son temps. Il était vindicatif, et Jean sans peur s'en aperçut bien, plus tard, au pont de Montereau. Ainsi que Thibault venait de le rappeler, il avait été d'abord l'un des fidèles de Jean sans peur. Que se passa-t-il ensuite entre eux? Nous l'ignorons. Toujours est-il que Taneguy se sépara du duc de Bourgogne sans pour cela devenir un ennemi. Mais un beau jour, ou plutôt une nuit, il fut attaqué par une bande qui le laissa pour mort. Taneguy ne mourut pas. Il avait la peau dure. Mais il fut d'autant plus ulcéré que le bruit de l'algarade se répandit dans Paris. Or, en tête des assaillants, il avait parfaitement reconnu les compagnons ordinaires de Jean sans peur. Taneguy se fit le serment de vengeance, et comme il était violent, incapable de tenir sa langue, commença la guerre en disant partout, à haute voix, tout le mal possible du duc de Bourgogne, ce qui était d'ailleurs une vraie preuve de courage, car à ce petit jeu, il risquait tout bonnement sa vie. Tandis donc que Thibault Le Poingre bavardait, faisait l'éloge de son pâté d'anguilles et de nombreuses autres victuailles dont il comptait régaler son hôte, Tanneguy du Châtel dégrafait son ceinturon et son buffle, se débarrassait de son chaperon, enfin prenait toutes les dispositions nécessaires pour se livrer en toute conscience à une de ces plantureuses agapes telles qu'on les concevait en un temps où l'on mangeait comme on se battait, à outrance. Il s'assit donc à une table devant le fameux pâté d'anguilles, et prêt d'attaquer, « Asseyez-vous là, maître, vous me ferez raison. »« Oh oh !» dit Thibault avec inquiétude. « C'est trop d'honneur, capitaine. »« Oh, soyez tranquille, » dit Tanguy. « J'ai de quoi payer double écho. Ainsi... » La face de l'hôte rayonna. Il prit donc place vis-à-vis de Tanneguy, non sans admirer la condescendance de ce redoutable capitaine. Il se demandait pourquoi on lui faisait un tel honneur, mais il n'en perdit pour cela ni un coup de dent, ni un coup de gosier. Lorsque le dîner fut achevé, lorsqu'on eut placé devant le capitaine un flacon de vin d'Espagne, il mit ses coudes sur la table, se pencha vers Thibault, et à voix basse, « Ainsi, vous n'aimez pas les bourguignons ?»« Ah, pour eux, tout au plus la friture de goujon. Mais quant au pâté d'anguilles ?»« Parlez franchement, détestez-vous les gens de Bourgogne ?»« Je les ai en horreur, » assura le poingre, du même ton dont il eût dit à Scas, « Je tiens les Armagnacs en détestation. »« Très bien, » fit Duchâtel, « en ce cas je puis me fier à vous. » J'eusse pu jeter mon dévolu sur 20 de vos confrères, mais je me suis dit, maître Thibault est un brave homme qui ne me trahira pas. Et puis, c'est l'endroit de Paris où l'on mange les meilleurs pâtés. Il faut avouer que Thibault, pour le coup, fut touché. En effet, l'amour qu'il professait pour sa belle auberge et sa réputation était profond et sincère. Parlez, messire, dit-il. Ventre joie, il ne sera pas dit qu'un brave capitaine comme vous aura eu faim et soif à la truie pendue. Quant à être trahi, soyez sans crainte. Ici, on mange trop bien pour trahir. » Tanneguy fut rassuré. Se penchant donc davantage et baissant la voix, « Maître Thibault, dit-il, j'ai été avisé que les maudits bourguignons me veulent attaquer dans mon logis. À peine suis-je remis de mes blessures dont ils m'ont couturé le corps que déjà ils songent à me meurtrir. Chez moi, » ajouta Tanneguy avec rage. « Lubin !» cria Thibault. « Un autre flacon !»« Je veux vivre !» poursuivit Duchâtel en se versant une rasade. « D'abord, je trouve que la vie est bonne, moi. Ensuite, je veux me venger. J'attendrai mon heure. Elle viendra, soyez tranquille. En attendant, les bourguignons tiennent le haut de la chaussée et ne nous laissent que le ruisseau. J'ai donc résolu de ne pas les attendre à mon logis et... »« De vous cacher ?» fit étourdiment Thibault. « Maître !» dit froidement Duchâtel, les gens comme moi ne se cachent pas. Je vais me retirer pour quelques jours en embuscade dans votre auberge. C'est une ruse de guerre. Ah, sans contredit. Ruse de guerre? J'y suis, capitaine. Allez toujours. C'est tout? Avez-vous une belle et bonne chambre à me donner pour 8 jours? Je paie d'avance, ajouta Duchâtel en faisant sonner son escarcelle. Thibault se mit à réfléchir. Et certes, la chose demandait réflexion. « Une chambre, une belle et bonne chambre, » bredouillait-il. « Nous disons belle et bonne, et payée d'avance. Belle affaire, ventre joie. Oh, »« Si les bourguignons le savent, » méditait-il, « c'est la ruine, c'est la truie pendue mise à feu et à sac, et moi pendue à la place de mon enseigne. »« Sans aucun doute, capitaine, mais vous avez dit ruse de guerre. » « Ah, si je refuse, il va m'étriper. »« C'est donc que vous vous tiendrez quoi dans votre chambre sans vous montrer à âme qui vive ?»« C'est mon intérêt, » affirma Tanguy. « Je vous promets que nul ne saura. »« Venez, » dit rapidement Thibault, après un nouveau coup d'œil vers la porte. Il entraîna Tanneguy du Châtel au fond de la salle, où derrière une porte commençait l'escalier. Une fois à l'abri de cette porte, Thibault se sentit rassuré. Et sans savoir pourquoi, éclata de rire. Ah, « Mon Dieu, » fit-il, « ce n'est pas que j'aie peur, j'ai fait mes preuves. Je vais vous donner la chambre dont s'était emparé ce fameux truand, le sire de Passavant. »« Passavant ?» fit Tanguy. « Oui, celui qui a meurtri le duc d'Orléans. C'est moi qui l'ai arrêté. »« Ah, contez-moi cela, j'aime les beaux faits d'armes. » Thibaut commença à monter l'escalier. À chaque marche, il s'arrêtait pour gesticuler. Son visage ensoleillé riait. Il n'avait pas l'air de bien croire ce qu'il racontait. Mais cela l'amusait tout de même de le raconter. Suant, soufflant, cramoisi, Thibaut raconta donc l'exploit. Homère eût dit qu'il le chantait. « Oh, c'est donc un bien rude batailleur !» fit Duchâtel intéressé. « C'est-à-dire que 10, 20 épées ne lui font pas peur. Je crois me connaître en bravoure, capitaine. Eh bien, je jure qu'après vous, cet homme est le plus brave de Paris. C'est dommage vraiment qu'il soit sans sou ni maille et qu'il ait failli me ruiner. Voyant donc que les gendarmes n'osaient pas monter pour le saisir, je fais signe à mon ami Gringonneur. Il me suit. Nous montons. Vous connaissez Gringonneur, n'est-ce pas? Vous savez qu'il n'a peur de rien. « Oui, il boit bien, » dit Tanguy. « Moins bien que moi, toutefois, car je l'ai fait rouler sous la table. » Intrépide comme moi, Gringonneur me suit. Les gens du guet se décident alors. Nous montons, tous, moi en tête, Gringonneur derrière moi, et nous arrivons à cette porte que vous voyez. Ils étaient arrivés devant la porte de la chambre qu'avait occupée Passavant. Thibaut continua. Pour arrêter le truand, je n'avais d'autre arme qu'une toute petite lardoire. Gringonneur était là, où vous êtes, son épée à la main. Derrière lui, l'escalier était plein de gendarmes qui me disaient de faire attention et que j'allais me faire tuer. Comme bien vous pensez, je ne les écoutais pas. Je dis à Gringonneur, « Y es-tu ? » « Oui, me répondit-il. » Alors j'ouvre la porte toute grande. Et Thibaut ouvrit la porte d'un mouvement superbe. Et j'entre en criant de toutes mes forces. Et Thibaut entra en criant, en effet. « Rends-toi, truand, pas de résistance inutile. »« Or ça, maître Thibaut, dit une voix paisible, devenez-vous enragé de venir ainsi réveiller les gens qui dorment tranquillement chez eux ? Fermez cette porte, je vous prie, il fait assez froid, je pense. » La bouche ouverte, les yeux exorbités, les cheveux hérissés, Thibaut demeurait pétrifié au milieu de la chambre où il venait d'entrer. Il était devenu très pâle, c'est-à-dire que son visage avait pris les teintes de la rose au lieu de celles de la brique. Enfin, un soupir gonfla sa vaste poitrine et il put balbutier. « Le chevalier de Passavant !»« Mais fermez donc la porte par la croix Dieu !»« Je rêve !» bégayait Thibaut. « C'est moi que vous empêchez de rêver, maître Thibaut. Je vous préviens que si cela continue, je quitterai votre auberge et j'irai m'installer ailleurs. »« Quoi, c'est vous? C'est bien vous que je vois ?»« Qui voulez-vous que ce soit ?» dit le chevalier qui éclata de rire et se souleva sur le coude. Il était allongé sur le lit, tout habillé, et paraissait sortir d'un profond sommeil. À ce moment, Tanguy Duchâtel, étant entré, referma la porte en disant « Monsieur le chevalier a tout à fait raison. Il fait froid et vous êtes un drôle, maître Thibaut, de laisser ainsi les portes ouvertes. » En un clin d'œil, Passavant fut sur pied et, sans avoir l'air d'y toucher, alla décrocher sa rapière qu'il saignit aussitôt. Puis, saluant Tanguy, « Monsieur, dit-il, vous êtes le bienvenu chez moi. »« Non, dit Tanguy, chez moi. » »« Monsieur, reprit le chevalier, saluant de plus belle, « malgré la façon bizarre dont vous vous introduisez chez moi, faites-moi l'honneur de vous y asseoir un instant. »« Ne vous gênez donc pas, » dit Tanguy, « prenez cet escabeau. Et bien que je sois assez surpris de vous voir installé chez moi, reposez-vous-y tant qu'il vous plaira. »« Seigneur, Seigneur, comment cela va-t-il finir ?» gémit Thibaut en levant ses bras courts vers le plafond. Le chevalier de Passavant se prit à sourire, comme il souriait parfois quand la main lui démangeait. Tanguy fronça les sourcils et se mit à tordre sa formidable moustache. Tous deux ensemble se tournèrent vers l'infortuné Thibaut. « Suis-je chez moi ? » demanda le chevalier. « Sans doute. Suis-je chez moi ? » gronda Tanguy. « Mais c'est sûr. »« Je ne vois plus qu'une chose à faire, » dit Tanguy. « C'est de prier monsieur de franchir la porte. »« Je ne vois plus qu'une chose à faire, » dit Passavant. « C'est de jeter monsieur par la fenêtre. » Les deux adversaires un instant se mesurèrent. Dans la même seconde, les fers virent le jour. Thibaut, rapide et subtil, fit une conversion oblique et disparut. Tanguy et le chevalier tombèrent en garde. Les épées cliquetèrent. Presque aussitôt, ils se ruèrent l'un sur l'autre. Il y eut un corps à corps, puis tous deux ensemble rompirent. À cet instant, l'épée de Tanugi sauta et sa forte garde d'acier alla rudement heurter le coffre. D'un bond, le chevalier avait sauté sur l'épée de Tanugi et mettant le pied dessus, « Vous êtes vaincu, monsieur. »« Je me rends à merci, » dit Tanugi, dont le poignet endolori eût été incapable de soutenir encore la rapière. « Eh, mordieu, » fit Passavant, « ramassez votre épée. Vous êtes un brave. Recommençons. » Tanugi jeta un regard sur le gentilhomme qui, selon les règles du temps, pouvait le tuer ou le rançonner à son gré et qui lui faisait une si généreuse proposition. Il le vit jeune, beau, étincelant de bravoure et si fin avec son sourire sceptique. Son cœur s'émut. « Jeune homme, dit-il, vous avez vaincu une des meilleures lames de Paris. Vous avez la générosité de me rendre mon épée. C'est un procédé que je n'oublierai pas. Je suis votre ami, corne du diable, et je vous aime, tout truand que vous êtes. Truand ? » Fit le chevalier étonné. À ce moment, la tête effarée de Thibaut apparut. Les deux ennemis réconciliés éclatèrent de rire. Ce que voyant, Thibaut plissa sa figure, qui devint un rire répété à 1000 éditions, et dit « Pour en revenir à ce que nous disions, mes braves gentilshommes, laissez-moi vous faire une proposition. »« Voyons, » dit Passavant, « et si la chose est raisonnable ?»« Elle l'est. Vous, capitaine, je vous ai promis cette chambre, ignorant que monsieur le chevalier m'avait fait l'honneur de la réintégrer sans m'en prévenir. » Vous êtes donc d'autant plus chez vous que vous m'avez proposé de payer d'avance. « Ah ah !» fit le chevalier. « Voilà donc pourquoi. »« Et je suis prêt à payer, » dit Tanugi en ouvrant son escarcelle. « Vous, monsieur le chevalier, » reprit Thibaut, « vous me voulez couvrir de gloire et d'honneur en augmentant la note de vos dépenses chez moi. Vous êtes donc chez vous, je le confesse de tout mon cœur. »« c'est bon, » grogna le chevalier. « Ne parlons pas de notes. » Il a été convenu entre nous que nous en parlerions seulement le jour où j'aurais fait fortune. Ah, ce qui ne saurait tarder, votre joie. Mes gentilshommes, vous êtes tous deux poursuivis. Vous avez tous deux à vous cacher. Vous êtes tous deux chez vous. Eh bien, restez tous deux dans cette chambre, si elle vous plaît, et si vous vous plaisez l'un à l'autre. Passavant et Tanugi se regardèrent. Ils ne se déplurent pas. Ils venaient de se battre, mais cela ne tirait pas à conséquence. « La chose vous convient-elle, chevalier ?» dit Tanugi. « Truand ?» rectifia froidement Passavant. « Oh, par le nombril du pape, truand ou chevalier, je vous tiens pour un digne gentilhomme. J'efface truand, si vous voulez. »« Je le veux, » dit Passavant. « Il est bon que chacun se dise ce qu'il est. Si j'étais truand, je ne voudrais pas d'autre appellation. Mais je ne le suis pas, je n'y puis rien. Vous m'appelleriez duc ou roi. Je réclamerai plus fort que pour truand, il est vrai. Ni duc, ni roi, ni truand. Voyez comme c'est simple. Cela dit, les propositions de maître Thibaut me conviennent. Vous êtes mon hôte, monsieur ?»« Le sire Tanugi du Châtel, » dit le capitaine en s'inclinant. « Je cours chercher à boire, » cria Thibaut qui s'élança. « Et du meilleur, » cria Passavant. Cependant, le front de Tanugi se rembrunissait. « Chevalier, » dit-il enfin, « avant d'accepter l'hospitalité que nous nous offrons l'un à l'autre, une question, je vous prie. Êtes-vous Armagnac ou Bourguignon ?»« Hein ? Moi, je suis pas savant, voilà tout. »« Oui, mais tenez-vous pour Jean de Bourgogne ? C'est mon plus cher ennemi. Et pour Roquetonville, je dois le tuer. Pour Scas, j'ai juré de le meurtrir. Et pour Courteheuse, il est mort, mort de ma main. Pour Guine, je l'ai tué. Ah, pardieu ! Cria Tanugi au comble de l'enthousiasme. Il faut que je vous embrasse. L'accolade eut lieu. À ce moment, Thibaut rentrait. À la vue de cette embrassade, tout se mit à rire en lui, les yeux, la face, le ventre. Il leva ses deux mains chargées chacune d'un flacon et songea. Voilà pourtant deux hommes qui voulaient se pourfendre il y a 10 minutes. « Monsieur le chevalier, » ajouta-t-il en disposant les flacons sur la table, « une chose m'inquiète, je dois l'avouer. À vous, mais à vous en termes brefs. Eh bien, puisque c'est vous, puisque vous avez, enfin, le seigneur d'Orléans, vous... »« Est-ce bientôt fini ? » dit Passavant avec un sourire terrible. « tandis qu'il pâlissait un peu. « Eh bien... ah non, je ne peux pas. Rien, monseigneur, rien. Je n'ai rien à dire. » Passavant marcha sur le malheureux le poingre, le saisit par l'oreille droite et tira sa dague affilée, tranchante comme un couteau. D'un ton paisible, « À vous, ou je te la coupe. »« Seigneur, cria Thibault, on dit donc que c'est vous qui avez meurtri le duc. » Passavant lâcha l'oreille. Il se tourna vers Tanneguy du Châtel, qui écoutait, violemment intéressé, car Paris tout entier s'occupait du meurtre et commençait à trouver étrange que le meurtrier demeurât impuni. « Capitaine, dit le chevalier, je connais les assassins, ils mourront de ma main. » Ceci fut dit d'un ton qui fit tressaillir Tanneguy et frissonner Thibault. « Pardon, murmura celui-ci en se courbant, je ne suis qu'un bélitre. « Chevalier, dit Tanneguy avec émotion, vous avoir vu une fois suffit pour écarter de vous l'horrible accusation. Quant à moi, si on vous accuse en ma présence, je dirai que je n'ai vu personne d'aussi brave et d'aussi généreux que vous. Je vous jure que l'accusateur ne répétera pas deux fois son mensonge. « Merci, dit le chevalier en tendant la main au capitaine. Quant à toi, Thibault cacha ses deux oreilles et poussa un soupir de détresse. « Quant à toi, sers-nous à boire. »« À l'instant même, cria Thibault. » Il se mit à remplir les gobelets d'étain. Tout en versant, il se reprit à soupirer et donna à sa mobile physionomie une mimique des plus inquiètes. « Voyons, dit le chevalier, qu'y a-t-il encore? Faut-il saisir l'oreille gauche? Parle sans crainte. » « Monsieur le chevalier est trop généreux, dit finement le poingre, sans qu'on pût démêler si cette générosité qu'il vantait s'appliquait à la liberté de parler ou à la menace faite aux oreilles. Je parlerai donc. Certes, de savoir si j'hébergeais ou non le meurtrier que cherche le prévôt, ce m'était une inquiétude. Mais j'avoue que j'ai au fond du cœur une autre inquiétude autrement lancinante. Laquelle ? Fit curieusement Duchâtel. Passavant haussa les épaules. Voilà, dit-il. Maître Thibault veut savoir comment il m'a trouvé, dormant sur le lit de cette chambre, qu'il croyait vide depuis plusieurs jours. Votre joie, monseigneur, vous êtes donc sorcier? Non, mais j'en ai fréquenté un, et cela me fait même songer. Mais revenons à vous, notre hôte. Qu'y a-t-il donc d'inquiétant en tout ceci? Eh bien, fit Thibault, je ne sais pas comment vous êtes entré, voilà. Si on entre dans mon auberge aussi facilement, sans que je le sache, je ne vais plus dormir tranquille. Les portes ferment bien pourtant. « Mais, dit froidement le chevalier, je ne suis pas rentré par la porte. »« Et par où ? » fit Thibault ébahi. « Par où je suis sorti, donc, par la fenêtre ? Que voulez-vous ? C'est une habitude chez moi. J'entre et je sors par les fenêtres. C'est plus commode et moins ennuyeux que par la porte. » On ne sait si cette explication put satisfaire l'aubergiste de la truie pendue. Il parut toutefois s'en contenter. Et saluant ses hôtes avec cette aimable et respectueuse familiarité dont il avait le secret, s'en fut surveiller ses cuisines. C'est ainsi que Tanneguy du Châtel, fameux capitaine de ses temps, se trouva installé en l'auberge de Thibault le Poingre et lia amitié avec le chevalier de Passavant.